Bonsoir à toutes et à tous, auditeurs de RDB et plus particulièrement de Zikactu. Ce soir, c'est un Zikactu un peu particulier, un Zikactu hors série, parce que nous allons nous livrer au jeu du ping-pong musical. Et ce soir, ce sera avec Sullivan. Bonsoir Sullivan. Bonsoir Gaël. Et Sullivan qui présente l'émission La Bulle Coincée. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton émission pour commencer ? Oui, bien sûr. Alors, c'est une émission que je fais avec 3-4 collègues, ça dépend un petit peu des fois. On parle de bande dessinée, en fait, et puis un peu plus largement, tous les univers graphiques, parce que des fois, on se lâche un peu sur les dessins animés, la peinture, ce genre de choses, et cool. On s'amuse à en discuter. Voilà. Ok, bah impeccable. Ça se passe les lundis soirs, c'est ça ? Exactement, tous les lundis de 20h à 21h. Ok, impeccable. Et donc ce soir, c'est pas pour parler de bande dessinée que tu es là, c'est pour parler de musique. Voilà, t'as bien accepté, t'as accepté de te jouer à ce petit jeu, et c'est toi qui vas lancer la première balle de ping-pong. Qu'est-ce que tu vas m'envoyer dans la face ? Alors je vais t'envoyer un peu du lourd parce que je voulais commencer avec un morceau qui est plein d'énergie. C'est pas un morceau récent, c'est un morceau qui date des années 50, peut-être un petit peu avant, je ne me souviens pas exactement la date. C'est un morceau de Wanda Jackson, qui est une petite américaine d'1m50 qui jouait de la gratte comme une furieuse dans un monde d'hommes avec une pêche vraiment incroyable, et qui n'est pas morte d'ailleurs, hein, qui continue à jouer, mais bizarrement, dans les années 70-80, elle s'est un peu reconvertie dans la musique chrétienne, et maintenant D'accord. Elle fait des choses assez calmes, plutôt, elle a un petit peu renié sa vie d'avant, et vous allez voir là, ça envoie pas mal. Ok, bon, on écoute ça tout de suite, Wanda Jackson, et le morceau s'appelle A Hard-Headed Woman. Dirty man, been a causing trouble ever since the world began. Oh yeah, ever since the world began. A hard-headed woman is a thorn in the side of a man. Now Adam said to Eve, listen here to me. Don't you let me catch you messing around that apple tree. Oh yeah, ever since the world began. Hard-headed woman is a thorn in the side of a man. Told Delilah, loud and clear. Keep your cotton picking fingers off my curly hair. Oh yeah. Ever since the world began, a hard-headed woman is a thorn in the side of a man. Well, let's go one more time then. Yeah. Doing swell. Then he started playing with that evil Jezebel. Oh yeah. Ever since the world began, a hard-headed woman is a thorn in the side of a man. Yeah. Excellent, merci Sullivan de nous avoir fait découvrir Wanda Jackson. Donc le morceau c'était A Hard-Headed Woman. Écoute, ça cartonne, c'est super sympa ça. Dans le genre rockabilly, c'est vrai que j'avais pas bien entendu des femmes jusqu'à là. Eh ben, il y en a pas tant que ça, hélas. Enfin, après, il y a tout un courant dans le rockabilly, le genre néo-rockabilly, où il y a beaucoup plus de oui, femmes qu'avant. Voilà, mais à cette période-là, c'est très très rare. C'est assez rare. Ouais, faut s'imaginer l'ambiance bar de campagne en fumée avec, les femmes, c'est surtout les serveuses. Et ouais. Pas souvent les musiciennes, quoi. Eh ben écoute, c'est excellent, merci pour cette découverte. Et du coup, ben moi j'ai trouvé un lien par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Donc tu dis qu'elle a un peu raccroché pour passer dans quelque chose dans la musique chrétienne a priori. C'est ça. Et en fait, ça m'a fait penser à un groupe Silverchair, un groupe australien il me semble. Et ils avaient commencé très tôt, ils ont sorti leur premier album à 16 ou 17 ans, enfin ça cartonnait, c'était incroyable. Et en fait, ils se sont arrêtés très tôt dans leur carrière et Silverchair, on n'en a plus jamais entendu parler, bah, exactement pour la même raison, si ma mémoire est bonne, c'est qu'à un moment, ils se sont rendus compte qu'ils faisaient la musique du diable, quoi. D'accord. Ils se sont dit stop. Je savais pas du tout. On arrête. Et du coup, il y en a pas mal comme ça. Je me demande si le deuxième guitariste de Korn n'est pas parti pour la même raison assez dernièrement. Donc ça fait beaucoup de mal au rock'n'roll tout ça, mais en tous les cas, du coup, ça fait penser à Silverchair. On écoute le premier titre de Neon Ballroom et qui s'appelle Emotion Sickness. Silverchair. Écouter Silverchair. Mais tout à fait. Et le morceau, vas-y, rappelle. Emotion Sickness. C'est ça. Gros, et ça te fait penser à quoi tout ça, toi ? Eh ben, moi, Silverchair, j'écoutais quand j'étais vraiment jeune. C'est un peu loin. Du coup, je me souviens quand même qu'ils sont d'Australie, comme tu l'as rappelé. Et j'ai justement en tête un morceau plus garage, mais d'un groupe de Melbourne qui s'appelle The Murlocs. qui fait voilà qui se lance pas mal dans le rock and roll depuis quelques années. C'est pas hyper hyper connu encore et c'est vraiment dommage parce qu'ils ont une chanteuse qui dépote. Et oui, encore une chanteuse. C'est vrai que moi j'aime bien les voix un peu éraillées dans le rock and roll, les voix féminines. Et du coup, je te propose d'écouter maintenant Delusional Blues des Murlocs qui date de 2013, il me semble. Ça, des potes, c'était Delusional Blues de The Murlocs, le groupe. Mais c'est super bien ce groupe. Et du coup, c'est sorti sur un EP qu'il y a quelques années, pas non, 2 ans, 2-3 ans. Ouais, c'est ça, 2-3 ans. Ouais, que j'ai découvert dans l'excellente émission Digit, qui est. Dis-nous en plus. Bah, c'est un fanzine en fait qui a déjà 30 ans, qui est national, où ils sortent. Voilà, ils parlent un peu des nouveautés rock'n'roll, garage surtout, de la scène internationale. Et puis ils font une émission. Qui est rediffusé sur pas mal de radios, voilà. D'accord, bah excellent. Redis le nom de l'émission. Dig it, let's dig it. Ok, ça a l'air bien. Et ben ouais, écoute, dans cette ambiance-là, un peu rockabilly comme ça, là, eux, c'est plus blues leur créneau, mais écoute, on est pas loin, on a une voix féminine qui arrache bien aussi. Ça s'appelle, je te propose, Devil Joe and the Backdoor Man, c'est un groupe stéphanois, et du coup, voilà, ils ont sorti 2 EP, et franchement, ça cartonne. On écoute Black Cat Blues de Devil Joe and the Backdoor Man. Yeah. Devil Joe and the Backdoor Man, donc avec Black Cat Blues. J'ai beaucoup aimé le final. Grosse guitare, ça sent bon le pick-up et le petit bar de campagne. Ça sent le crotal. Ça sent le crotal, ouais. Exactement. Et puis une chanteuse, encore une fois, avec la voix vraiment bien posée. C'est bien la bonne ambiance du blues. Il y a de plus en plus de jeunes qui font du blues, j'ai l'impression que c'est... Mais ils ont bien raison. Chose. Exactement. Et du coup, ça m'a évoqué un petit peu... déjà, on parlait... c'est vrai qu'on peut rappeler que Robert King est mort il y a 2 semaines ou pas plus. B.B. King, ouais, tout à fait. Grand nom de la guitare, quand même une vie remplie d'anecdotes. Ouais, il y a plein de choses à dire. Et RDB qui a passé un live, vendredi dernier. Mm-hmm. Et il était super ce live. Du coup, il se trouve sur YouTube, un live de 2013, avec plein de grands invités. Il y a Slash, notamment, qui vient jouer avec lui. D'accord, le guitariste de Guns N' Roses. Tout à fait, merci de repréciser. Super. Ben moi, j'ai entendu à la radio ce matin que voilà, les deux des filles de B.B. King portaient plainte contre le producteur, l'ex-producteur de leur père, parce qu'elle l'accuse de l'avoir empoisonné. En fait, voilà. Ah, c'est pour ça qu'il est mort. A priori. À moins qu'il soit parti avec Michael Jackson siroter quelque part dans une île perdue avec Elvis et tout ça, quoi. C'est peut-être ça l'histoire. C'est peut-être ça. On sait pas. En tout cas, il y a toujours des histoires complètement sordides comme ça autour du blues. Et ça m'a rappelé un peu donc le morceau d'Otis Spann qui nous rappelle que le blues ne meurt jamais. The blues never die. Eh ben c'est parti. Otis Spann. Thank you. that's where the blue came from. Nous écoutions Otis Spann, The Blues Never Die, avec un tempo bien lent, bien brumeux. C'est cool ça, on est passé du rockabilly bien speed au blues bien lent. Et du coup, blues piano, donc tu disais années 30, 40, quelque chose comme ça quoi. Ouais, pas plus. C'est vieux. C'est vieux, vieux, vieux, mais c'est bon, bon, bon. On va retourner un peu dans l'actualité. Ça date de l'année dernière, 2014. Ça s'appelle The Legendary Tiger Man. Et donc, c'est aussi du blues. Là, c'est du blues guitare. Et voilà, un artiste que j'ai vu en live, que j'avais bien apprécié en live. Et on écoute sur disque donc le titre Gone, extrait de l'album True. The Legendary Tiger Man, donc avec le morceau Gone tiré de l'album True, ça a l'air bien déjanté, je pense, sur scène. Ça, c'est fou. Ouais. C'est complètement fou. Mm-hmm. C'est ce saxo un petit peu en liberté comme ça, ça m'a rappelé un peu justement donc Fela Kuti, qui est un auteur, un artiste éthiopien. Et du free jazz, le free jazz éthiopien, c'est souvent assez surprenant. Parfois, je un petit peu chiant. Pas du tout. D'accord. Okay, le free jazz, moi, ça a tendance à me. Oui, free jazz, faut se méfier quand même. Un petit peu rapidement, mais Fela Kuti, c'est quand même vraiment, vraiment excellent. Et je voulais passer un morceau, c'est une reprise de Fela Kuti, c'est pas exactement lui. Par ceux qui marchent debout, qui est une fanfare, ils sont au moins 12 ou 13. Et ils ont repris un de ces morceaux assez connus qui s'appelle Water Don't Get No Enemy, qui. Pour l'occasion, il y a un chanteur qui vient se rajouter. Vous allez voir la voix. Il y a toute une intro assez lente avec la voix qui vient se poser derrière, qui est assez sympa, en mode un petit peu reggae comme ça. Ça envoie du lourd. What I got no enemy, you got no one. Très bien, très bien. On écoutait Ceux qui marchent debout. Une fanfare française, donc, avec un chanteur. Et jamaïcain, sans doute, mais je sais pas son nom, hélas. D'accord. Difficile de retrouver. Mais écoute, c'est très, très bien. Et donc, c'est essentiellement instrumental, habituellement, Ceux qui marchent debout. Oui, c'est entièrement instrumental. C'est une fanfare qui défile dans les rues, quoi. D'accord. Et là, pour le coup, il y a une guitare, il y a un petit. D'habitude, peu... c'est pas spécialement reggae. C'est, non, plutôt, pas du tout. C'est musique plutôt de l'Est. Festif, ouais, musique de l'Est, mais plutôt franchouillard, hein. D'accord. Sans hésiter, quoi. Là, pour l'occasion, voilà. C'est ça qui est assez surprenant aussi sur ce morceau, c'est qu'ils reprennent Fela Kuti, mais d'une façon en plus hyper personnelle, parce que le morceau d'origine ne ressemble pas du tout à ça. La voix est beaucoup moins profonde, beaucoup moins. Il y a un petit côté inspiré là, avec cette grosse voix qui arrive un peu de l'espace comme ça. Enfin bon, moi, carrément. J'ai découvert ça quand j'avais 15 ans, tu vois, c'était vraiment le. Non, truc, mais c'est bon, ça. Qui fait voyager, bon. Quoi. Et c'est ça, en plus, voilà, je rappelle un peu le principe de l'émission. C'est, l'idée, c'est de se faire passer des titres qui nous ont plu, hein, finalement. Ça reste un prétexte. Le prétexte, c'est de trouver un lien entre tous les morceaux. Des fois, ça va un peu loin, mais l'idée, c'est essentiellement de se faire plaisir et puis de te connaître un peu plus musicalement. Je rappelle donc que je suis avec Sullivan qui anime l'émission La Bulle Coincée tous les lundis soirs sur RDB, la radio des Boutières, mais pas seulement. Ton émission est diffusée ailleurs aussi. Tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, elle est diffusée aussi à Toulouse, sur Radio Canal Sud. Cool. Et aussi dans les Pyrénées, sur une petite radio qui s'appelle La Locale, qui a une petite zone de diffusion, mais bon, c'est dans les Pyrénées, donc la montagne, c'est un peu compliqué. Oui, on connaît un peu ça, RDB, en même temps. Oui. Donc, moi, cette voix-là, qui vient d'un peu loin, comme ça, ça m'a fait penser à un artiste, à un chanteur qui s'appelle Winston McAnuff. Et du coup, je pense notamment à un disque qui est sorti en 2014, qui l'a fait avec Fixie, qui est l'accordéoniste attitré donc, du groupe Java. Mmh. Voilà, j'ai pas mal parlé de Erwan et une émission spéciale Erwan, donc Erwan le chanteur de Java. Et voilà, une émission que je vous recommande, pas spécialement parce que c'est une émission de Zikactu, même si évidemment je vous le recommande, mais parce que ce gars est un talent incroyable, Erwan. Et donc là, c'est son penchant instrumentiste, donc Fixie. Et donc on écoute Winston McAnuff et Fixie sur le morceau qui s'appelle Garden of Love. To the Almighty. Yeah, we will not wear no frown, 'cause we're working for a crown. Yeah, we live in charity, helping those who are in need. Oh, we just can't take no bribe, 'cause the truth we can't deny. You're welcome, you're welcome to my garden of love. You're welcome to my garden of love. Here we are on the same boat, out of petrol, but we're still afloat. Now we got to do our best, and Jaja will do the rest. Through the love, we're all in this garden. Seeds of love we should be planting. We just can't waste no time. Time to mask the smile, you can't rewind. You're welcome, you're welcome to my garden. A garden of love. You're welcome. You're welcome to my garden. My garden of love. Yeah. garden, my garden of love. You're welcome, you're welcome to my garden of love. We're loving on the standing, we'll break down the barriers in this garden. Beg your pardon. Love will teach us all the lessons, yeah. Good God, yeah. Winston McAnuff, donc, et Fixie qui chantait Garden of Love. Une belle voix, hein, quand même, ce McAnuff. Super classe, ouais. Ces Jamaïcains, ils sont forts, hein, ils ont souvent des belles voix, plus ils sont âgés, plus ils ont la classe. Ça vieillit bien, le Jamaïcain, c'est ça qu'on peut dire, pour résumer. Et Fixie, donc, l'accordéoniste de Java, je ne sais pas si Java continue d'ailleurs à sortir des choses. Pas à ma connaissance, le dernier truc en date, c'était bien un album de Erwan en solo, et Java, je ne sais pas, on en parlait un peu hors antenne, c'est vrai que le premier album a mis une grosse claque à tout le monde, et c'est vrai qu'il était incroyable, il arrivait avec, avec du hip-hop qu'on n'était pas, avec de la chanson qu'on n'était pas, et il était un peu avec c'était du pas de la mentalo, quoi. C'était pas de la mentalo, c'était du rock'n'roll, quoi. C'était génial. Et après, c'est vrai que ça reste un excellent groupe de live, moi je trouvais Java vraiment... Énorme groupe en live. Mais Erwan, c'est un tueur, quoi. Il arrivait déguisé en dieu, je me souviens. Ouais. Et il envoyait du pastis dans la foule. Excellent. Des grands moments. Dernièrement, j'ai vu une vidéo sur internet où il est déguisé en Donald pour chanter un morceau qui s'appelle Coin Coin. Tapez Coin Coin Erwan. R-Wan, W-A-N. Et vous allez voir que même en Donald, il assure. Quoi. Mm. Ouais, immense talent. Donc Fixie et Erwan. Et puis donc là, McAnuff, ouais, toujours avec sa voix si prenante. Et du coup, ce petit morceau d'accordéon m'a rappelé une reprise un petit peu connue de Wild Billy Childish, qui est un anglais en fait, donc Wild Billy Childish and the Black Hands, un groupe de copains qui reprennent des morceaux connus dans leur cuisine et qui font des merveilles. Et là, c'est le morceau bien connu de Sex Pistols, Anarchy in the UK. En effet, on était dans la cuisine, quoi. C'était Wild Billy Childish and the Black Hands, et le titre, vous l'avez reconnu, c'était donc une reprise de Sex Pistols, Anarchy in the UK. Écoute, t'avais d'autres trucs à dire du coup sur ce groupe, peut-être ? C'est du talent, quoi. C'est du talent à l'état brut, et puis du gros son, quoi, j'ai envie de dire aussi. Non, mais c'est cool, c'était très frais. Il y a un petit côté, finalement, jazz New Orleans aussi derrière tout ça, quoi. Ouais, Fanfare New Orleans. Un peu improvisé, un peu buff, comme ça. Non, c'était bon, et j'aime bien le banjo. Et du coup, ça me permet de rebondir en plus sur un banjoiste qui s'appelle Michael Wookie et qui a sorti un album qui s'appelle Submarine Dreams, doit y avoir 3 ans, quelque chose comme ça. Cet album, il est excellent, c'est vraiment très, très particulier, mais très, très doux, des mélodies très agréables. Et du coup, j'avais envie de vous le passer pour répondre à ce terrible banjo dans la cuisine. Il y a un petit côté aussi fait à la maison, mais je pense qu'il a un petit peu plus de matos. Mais on est toujours dans ce délire-là, un peu fait à la maison, avec du banjo et une jolie voix aussi. Michael Wookie, When Am I Gonna Get My Gun? The dust on a horse with no name. So when am I gonna get my gun? To get to your house, my heart's a bucket of rain. So when am I gonna get my gun? And I don't wanna be lost, my love, no. I don't wanna be gone, gone, gone. I just want to be picked out, my love, like a diamond in the rough. Walking through the desert on a horse with no name. So when am I gonna get my gun? I wanna be the thing you do when it rains. So when am I gonna get my gun? And I don't wanna be lost, my love, no. I just wanna be gone, gone, gone. I just want to be picked out, my love, like a diamond. Diamond in the rough. I just want to be picked out. out my love like a diamond in the rough. Yes, Michael Wookie, donc When Am I Gonna Get My Gun. C'est dur à dire une fois, moi je l'avais bossé. Pas évident, ouais. De l'album Submarine Dreams. Eh ben j'aime beaucoup ça, tu vois, je connaissais pas du tout. Mais ouais. Sacré voix, sacré tempo et tout. C'est pareil, rien à envier la musique de la Nouvelle-Orléans, quoi. Bah ouais, il y a cette ambiance-là sur ce titre-là, et en fait, il est toujours accompagné de son banjo, mais on voyage pas mal dans ce disque, c'est toujours cohérent, vraiment, il est super bien ce disque. Les mélodies portent le tout, et c'est très bien écrit. Ouais, très mélodieux, et puis petite ambiance western qui m'a fait penser à un morceau de Bob Dylan. Mais oui. Qu'on n'était pas obligé de passer dans cette émission, mais que, quand même, il faut le dire, si on cherche à se connaître musicalement, Bob Dylan est quelqu'un d'important pour moi. D'accord, bah, alors il fallait le passer absolument dans ces cas-là. Ou au moins au même titre que Neil Young, ou un peu les grands artistes de folk et de country, et là du coup bah, j'ai pensé au morceau qui ouvre en fait la BO de qu'il a écrite pour Billy the Kid, donc il y a déjà quelques années. Oui, j'imagine. Je ne me souviens plus quand exactement. Mais c'est le morceau qui s'appelle Billy One, tout simplement. On écoute ça, vous allez reconnaître Bob Dylan à tous les coups. Thank you. Vous écoutiez Bob Dylan sur l'émission Zik Actu et c'est donc, je le rappelle, une spéciale ping-pong musicale avec Sullivan. Et voilà, vous pouvez retrouver donc toutes les émissions de Zik Actu sur internet en tapant Zik Actu tout simplement dans Google. Et le premier site, c'est le PodCloud en fait, là où où j'héberge donc tous les podcasts. Et vous pouvez donc retrouver tous les titres des morceaux qu'on a passés, tous les artistes, si vous voulez donc approfondir un peu tout ça. Et donc il y aura plein d'autres, podcasts comme ça un peu hors série avec tous les membres de RDB en fait. Si vous voulez apprendre à connaître un peu les membres de RDB, on en a enregistré un avec Nico et puis il y en aura avec Jean-François, le président de l'association, avec Davy, notre journaliste, avec Oriane, et voilà, donc vous pourrez rencontrer un peu plus musicalement les membres de l'équipe. Et donc ce soir c'est Sullivan qui anime l'émission La Bulle Coincée qui est avec nous. Et donc Sullivan, tu viens de passer donc Bob Dylan. Moi j'ai envie de te dire Bob Dylan, les États-Unis, tout ça, quelque chose d'assez viscéral. Je pense à Tom Waits en fait. Allez, un titre qui me paraît collé. Et puis pour bien finir cette émission en beauté, on va finir sur Jesus Gonna Be Here de Tom Waits sur l'album Bone Machine. Ça te va? Ouais, c'est parfait. Ouais. Allez, c'est parti, Tom Waits. Il est mort. Mort d'un cancer du larynx. Tom Waits, énorme voix, un peu underground des États-Unis. beaucoup de choses à dire sur Tom Waits. Ce morceau, il est particulièrement beau quand même. C'est vrai que son côté gospel, un peu païen comme ça, parce que bon, dans les paroles, en fait, il négocie un peu avec Jésus. Quoi, c'est pour, Jésus va revenir, finalement, si on traduit le titre. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est vrai que ça inspire tout un côté, enfin, tout un pan de la société américaine. Plutôt penché du côté de l'alcool, du côté de la fête et du côté du jazz en même temps. Enfin, il y a toute une ambiance autour de Tom Waits qui est assez c'est sympa. Pas, ouais, c'est pas gagné pour lui le paradis quand même. Hein. Ah non, c'est même un foutu. Ça dépend, les négociations sont encore en cours a priori. Quoi. Tu m'as raconté une anecdote sympa là en antenne sur Tom Waits qui finit dans une église ouais. Après une grosse nuit de cuite voilà. Pour avoir un peu chaud. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Et bien du coup, ouais, il se réveille dans un fossé, il est mal, il trouve le seul endroit qu'il trouve pour se réchauffer, c'est une église, et puis il y a un sermon qui est en train d'être donné par le curé, et puis il y a une douzaine de bigotes qui sont là, et puis à un moment, le curé le prend lui à partie directement en disant « Voyez cet homme, et ben c'est comme ça que vous finirez si vous ne croyez pas en Dieu. » Et lui, il est Tom Waits, il est effondré, quoi. Il se dit qu'il a raison, quoi, finalement. Ah, le pire, c'est qu'il a raison, en plus, quoi. Ouais. Mais bon, ça le fait pas changer de comportement. Il continue à faire du jazz, la musique du diable, et puis à boire plus que de raison. Ouais, voilà. En même temps, finir comme Tom Waits, c'est finalement pas si mal, quoi. Ah, peut-être. c'est un autre débat. Ok, merci pour cette anecdote. Et on sent donc le talent pour raconter des histoires. Évidemment que vous pouvez retrouver le lundi soir sur l'émission La Bulle Coincée et sur Internet aussi en podcast, j'imagine. Ouais, tout à fait, ouais, sur le site de RDB. Ok, super. Eh ben écoute, si je me fie à cette petite musique qui nous arrive discrètement dans les oreilles, je crois que c'est la fin de cette émission. En effet, ça fait une heure qu'on se passe de la zik et c'était bon et on aurait bien continué toute la soirée. On a pas vu le temps passer. Mais ouais, ça passe super vite en fait. Mais du coup, l'avantage, c'est que bah, tu pourras revenir pour faire ça. Avec plaisir. Je pense qu'on refera ça régulièrement. C'est ça qui est bon. Yes. Eh ben écoute, merci beaucoup d'être venu nous voir. Et, merci à toi. Et ouais. Puis merci pour toutes ces découvertes. Il y a plein de titres que je connaissais pas. On a fait pas mal le tour un peu du blues. Du rockabilly, enfin le tour, non, on n'a pas fait le tour évidemment, mais on a fait un petit tour autour de tout ça en tous les cas et c'était super agréable. Merci à toi. Et ben merci à toi, Greg. La prochaine fois, on essaiera de faire quelque chose de peut-être un peu plus récent. Ou mais on verra. C'est le coup du ping-pong, c'est qu'on sait jamais où ça va nous mener et c'est ça qui est bon. C'est ça. Allez, à très bientôt, Sullivan, à bientôt donc le lundi pour La Bulle Coincée et chers auditeurs, je vous dis à très bientôt aussi sur l'antenne de RDB. Peut-être pour l'émission Zik Actu, peut-être pour La Bulle Coincée, peut-être pour les deux. À très bientôt.